de l'autre côté. Élève-toi à travers la marée. Naissance t'explore une fusion. Des éclats de crâne dans l'atmosphère. Recherche d'un esprit, un visage sort de la pluie. Quel est ton nom, mon bel ami? C'est comme un truc improvisé. Se laisser glisser, ne pas déraper. Il te faut te lever du bon pied. Secoue tes rêves dans la vie réelle. C'est le seul moyen d'y arriver. Sois généreux et accepte un peu de redécouvrir des images pleines de rire. Tu es si bas pour te faire des amis. C'est comme un truc improvisé. Des spectacles de lanternes animent la lumière, même des villages les plus déserts. Des voix éloignées peuvent te rassurer. Trouve ta place.